الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، جبر من طبعا وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والرجم حق. قال المؤلف رحمه الله: والرجم حق. الشرح. قال الشيخ وفقه الله: الله سبحانه وتعالى حرم أشياء في الأعراض وفي المعاملات وغير ذلك، وهذه المحرمات تنقسم إلى أقسام. Donc il dit, Allah il a interdit des choses dans les honneurs des gens, dans les transactions diverses et dans d'autres choses également. Et ces interdits-là se décomposent en plusieurs catégories: muharramatu, muharramatin kaba'ir wa muharramatin sagha'ir. Des interdits qui sont graves, qui sont capitaux, des interdits qui ont une gravité moindre. Thumma hiya min haythu al-'uquba 'ala man irtakabaha tanqasimu ila thalathati aqsam. Concernant la sentence ou le châtiment qu'il y a derrière celui qui est auteur d'un grand péché ou d'un petit péché, ça se décompose en trois catégories. Le qism al-awwal al-muharramat wada'a Allah laha 'uqubat muhaddada. Il y a des interdits à propos desquels Allah il a posé des sentences et des châtiments bien précis, bien délimités. Non. Moi, deuxième. Peut-être qu'il l'a pris à l'assas. Il a trois types. Qu'est-ce que Allah veut? وهي ما تسمى بالحدود. Donc c'est ce qu'on appelle les sentences. سميت حدودا من الحد وهو المنع. لأن هذه العقوبات تمنع الوقوع في هذه المعاصي. Pourquoi on a nommé حدود les sentences? حدود en arabe, parce que ça vient du mot حد, qui est ce qui empêche. Ça empêche quoi? Il dit ces sentences là empêchent les gens de tomber dans ces péchés-là. Quand les gens ils voient que pour tel et tel péché il y a telle et telle sentence, ils s'abstiennent de le faire. Ça les empêche de faire ce péché-là. Wal qism athani muharramat lam yada' Allah laha hududan. Lam yada' Allah laha hududan. Des interdits à propos desquels Allah il n'a pas posé de sentence. Walakin fiha ta'zir. Mais il y a تعزير، c'est comme تعزير c'est comme يعني que la personne c'est naturel وهو ما يسمى بالتعزير وهو التأديب. Voilà, on va prendre ça comme ça وخلاص. Il dit وهو مقول إلى اجتهاد ولي الأمر بما يراه رادعا عنها وهو ما يسمى بالتعزير وهو التأديب. C'est à dire que les autorités ils vont punir cette personne là d'une manière exemplaire, telle sorte qu'il va se rappeler cette chose-là pour ne pas la refaire. Donc il dit il y a des interdits. Première catégorie, les interdits, Allah il a mis des sentences. Deuxième, où il n'a pas mis de sentence bien précise. Mais il faut quand même éduquer, il faut blâmer la personne qui est auteur de ce péché-là. Et ça revient à celui qui a l'autorité, le juge, Matalan, le Mahkama. Il voit, il considère qu'est-ce qui va blâmer cette personne et qui va faire en sorte qu'il va se rappeler cette chose-là pour ne pas la refaire. بما يراه راضيا عنها. راضيا ça veut dire que ça va écarter cette personne, cette chose là il va plus refaire cette chose là يرضعه وهو ما يسمى بالتعزير وهو التأديب. يعني فلان يؤدب. En tel il faut on va dire mettre les points sur les i sur cette chose là pour pas qu'il la refasse. والقسم الثالث, troisième catégorie, ما لم يكن فيه حد ولا تعزير من المحرمات. Troisième catégorie, là où il y a ni sentence ni comme ce qu'on a expliqué avant, تعزير le blâme exemplaire. وإنما فيه وعيد وغضب ولعنة ونار. Mais le péché, يعني l'auteur du péché, il est menacé par une menace quelconque, par la colère d'Allah, par la malédiction d'Allah ou des anges, etc. Ou bien par l'enfer. Celui qui fait ça sera en enfer, etc. وغير ذلك من أنواع الوعيد. Et d'autres choses de la sorte qui contiennent des menaces. كأكل الربا والقمار. Comme celui qui s'adonne transaction usuraire, ou bien le qimar, c'est-à-dire les jeux de hasard et tout ce qui s'y rapporte, etc. Tout ça contient une lourde menace. Yardaou man fi qalbihi iman. Ça va repousser la personne qui a dans son cœur l'iman. Il va entendre le châtiment ou la sentence ou qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça va repousser, il va répugner cette chose-là. Wa man kana laysa fi qalbihi iman aw kana da'if al iman. Inna amamahu hisaban wa iqaban fil akhirah. celui qui n'a pas l'iman dans son cœur, va le repousser de faire ces choses-là, ou bien qui est faible de foi, il dit qu'il sache, yani, que après la mort, il y aura des comptes et une sentence et châtiment douloureux dans la vie dernière. Allah Jalla wa Ala harrama hadhihi al-muharramat. Allah il a interdit ces interdits-là. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها رواه الطبراني في المعجم الكبير وابن جرير في تفسيره والدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك على الصحيحين والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم وحسنه النووي في رياض الصالحين donc il dit hadith Allah il a farada faraida falat udayyuha. Il a rendu des choses obligatoires qu'il ne faut pas délaisser. Harrama ashiya falat antahikuha. Il a rendu des choses sacrées ou interdites. Il ne faut pas s'y adonner. Wa sakata an ashiya. Il s'est tu à propos de certaines choses par miséricorde envers vous. Ce n'est pas par oubli. N'interrogez pas à leur sujet. Wa min hadhihi al-hudud hadd az-zina. Parmi les sentences qui sont connues et citées, il y a la sentence de la fornication, parce que c'est ça le chapitre, il est là-dessus. قال المؤلف رحمه الله والرجم حق. Parle de ça. والزنا هو فعل الفاحشة في فرج لا يحل له. Il dit donc zina, la fornication, c'est le fait d'avoir des rapports intimes là où ça n'est pas licite pour toi. هذا هو الزنا, c'est ça la fornication. فعل الفاحشة في الفروج التي حرمها الله إلا بالعقد الشرعي الصحيح. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله يهدينا القرآن سورة المعارج سورة 70 versets 29, 30 et 31 et qui se maintiennent dans la chasteté n'ont de rapport qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas ils ne sont pas blâmables, mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela, ce sont des transgresseurs. أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام, c'est-à-dire ceux qui ont dépassé la limite du halal pour tomber dans le haram. Celui qui tombe dans la fornication, il est sur une des deux catégories suivantes. Soit c'est quelqu'un qui n'a jamais eu des rapports conjugaux en état de mariage qui est conforme, qui yu'ifuhu, c'est-à-dire qui va l'éloigner justement de ce péché-là. Fahada huwa al-bikr. Il dit donc ça c'est le bikr, celui qui n'a jamais eu cette expérience-là. Wa hadhihi 'uqubatuhu wa hadha 'uqubatuhu an yujlada 100 jalda. Celui-là, sa sentence c'est quoi? C'est qu'il soit fouetté 100 coups de fouet. Qala ta'ala zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhumā 100 jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله dit dans sourate An-Nur, sourate 24, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. وجاء في السنة الصحيحة أنه يغرب. Cité dans la sunna, أنه يغرب, c'est-à-dire qu'il faut le faire sortir de la contrée ou du pays. مدة سنة تتخيلت أبخي يعني يبعد عن البلد الذي مارس الفاحشة فيه إلى بلد آخر وللوانية سواء يعني de l'endroit où il a fait ça ou du pays complètement. مارس c'est quoi مارس؟ نعم شو معنى مارس؟ pratique مارس الممارسة c'est la pratique. الفاحشة فيه إلى بلد آخر لمدة عام, voilà, pour une durée d'un an. هذا سيتي دون السنة, سي با دون القرآن. قال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. رواه مسلم في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. دونك يدي concernant البكر, دونك سي سكو الشيخ لا سيتي افون, يجلد 100 جلدة 100 coups de fouet et تغريب عام, c'est-à-dire on le fait sortir, quand on dit تغريب parce que il va être dans un endroit où il est غريب, c'est pas son c'est pas son pays, etc. فثبت التغريب بالسنة, donc c'est rapporté que on doit l'écarter du lieu où il a commis ça pendant بالسنة. فثبت التغريب بالسنة, à travers la sunna c'est rapporté cela. وأما الجلد فهو ثابت بالقرآن, concernant le jald c'est rapporté, le fait de fouetter, c'est rapporté dans le Coran, c'est cité dans le Coran. وقد أجمع العلماء على الجلد. Les savants, ils sont unanimes sur le fait de fouetter l'auteur de cela. وجمهورهم أيضا على التغريب. هذا في حد البكر. Et la majorité, ils disent également qu'il faut le faire, l'écarter pendant un an à propos de البكر. أما الثيب concernant الثيب وهو الذي سبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح. C'est le contraire. Quelqu'un qui a déjà eu des rapports conjugaux à travers un mariage qui était valide. وعرف قدر الأعراض وحرمة الأعراض. Quelqu'un qui a déjà connu la valeur de l'honneur et le caractère sacré de l'honneur des gens. فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت. Celui-là, faut le lapider jusqu'à ce qu'il meure. وهذا ثابت بالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه. Il dit ça, c'est également dans le Coran. Le verset, il n'est plus dans le Coran, on ne trouve pas. Mais le hukm, il est encore existant. كما قال عمر رضي الله عنه على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال comme l'a dit عمر بن الخطاب sur le منبر sermon قال نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها. Il dit le verset à propos de la lapidation a été révélé. فوعيناها يعني فهمناها. الوعي c'est la compréhension. Nous avons compris ce verset et nous l'avons mémorisé. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a lapidé. وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله. هذا كلام من؟ عمر. Il a dit عمر. هذا كلام عمر. Il a dit وأخشى. Je crains que si le temps passe, par la suite, les gens vont dire ما نجد الرجم في كتاب الله. On ne trouve pas qu'il y a des versets qui ordonnent la lapidation dans le Coran. إلا إنه ألا إنه في كتاب الله. Il dit عمر ألا إنه في كتاب الله. Certes, il est dans le Coran. رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن عمر. يشير إلى قوله تعالى. Ce verset-là, donc, comme on a dit, on ne trouve plus dans le Coran, puisque c'est un verset qui a été abrogé dans le texte et dont la loi est restée. Il y a des versets qui sont abrogés dans le texte, il y a des versets qui sont abrogés dans le sens. D'accord. الآية وهي الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. رواه مسلم في الصحيح. هذا القرآن. Donc, الشيخ والشيخة, le vieux et la personne âgée, homme ou femme, lorsqu'ils commettent la fornication, lapidez-les, al-batta, c'est-à-dire sans discussion, nakal min Allah, nakal c'est la punition. Nakal, yani adab min Allah, punition de la part d'Allah, wallahu azizun hakim. Hada Qur'an nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu. Ça fait partie du Qur'an, dont le texte a été abrogé et la loi, elle est restante. Wa rajama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa amara bil rajm. حديث هذا أيضا في سلسلة صحيح الألباني. يدي ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a lapidé et il a ordonné de lapider. وأجمع المسلمون على ذلك ولم يخالف فيه إلا أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم كالخوارج. N'a divergé de cela que les innovateurs. Tous les musulmans sont unanimes là-dessus et que certains innovateurs qui n'ont pas considéré cela et de toute façon leur divergence n'est pas considéré tel que les khawarij. فالرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية. الرجم, la lapidation, rapportée dans le Coran et la rapportée dans la Sunna. قولي وعمل, ça veut dire le prophète il a dit, il a ordonné et il a fait. وبالإجماع, et il y a unanimité là-dessus. فمن أنكره فهو كافر. Celui qui réblâme cela et réprouve cela, il est كافر, il est hors islam. لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. Il dément Allah, son messager, et l'unanimité des musulmans. فالرجم ثابت لا مجال للكلام فيه. La lapidation, elle est rapportée authentiquement. لا مجال, c'est-à-dire pas de place pour qu'on puisse en discuter. Il y a quelque chose qui est مقطوع به. ولهذا نص عليه هنا فقال, pour ça que l'imam البربهاري رحمة الله عليه قال الرجم حق. La lapidation est une vérité, quelque chose d'existant. Vérité, quelque chose d'existant. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. Ça fait partie de la conviction de أهل السنة. ردا على المبتدع الذين ينكرون الرجم من غير علم. Et pour reprouver, rejeter la parole des innovateurs qui réprouvent cela, qui réprouvent le caractère légitime de la lapidation. ومن غير بصيرة لجهلهم وتطفلهم على العلم. تطفلهم, ça vient de طفل. Yani c'est comme des gens qui sont encore petits dans la science, ils viennent et ils disent الرجم ليس موجودا في كتاب الله، إذا الرجم إلي بعض القرآن ها؟ واعتمادهم على عقولهم وأفكارهم إذا بس على الغزون على البنسي بس على التكست، هؤلاء لا يعتد بهم سلا لا نكنسيدر با لغ بغول لغ دير ولا ينظر إلى أقوالهم. ربما يأتي جاهل يدعي المعرفة والبحث ويقول هذا فيه خلاف، فيها هذه فيها خلاف. Peut-être qu'il y a un ignorant qui vient, qui prétend connaître, il prétend être quelqu'un qui a fait des recherches, il dit, ce sujet-là, il y a divergence à son sujet. On va lui dire, est-ce que c'est toute divergence que on va considérer que c'est vraiment une divergence? Est-ce que toute divergence, ça demande un sujet de discussion, des divergences, ou il n'y a pas de sujet de discussion? Dans le sens, il faut prendre des textes. Il y a des divergences. Moulrat, la yu'tad biha. Il y a des divergences qui sont annulées, qui ne sont pas considérées. Moulrat, ça vient de l'ilra. Ilra, c'est annuler quelque chose. La yu'tad biha, on ne peut pas la considérer. Minha, dhalik al-khilaf. Par exemple, le khilaf sur la lapidation. La lapidation, non, c'est wadiha. Oli hada yaqulu an-nazim wa laysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu haddun min an-nazar. Il dit, Sha'ir al-Nazim, il dit, c'est pas toute divergence qui est considérée. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara. C'est pas toute divergence que les gens ils ont ramené qui est considérée. Illa khilafun lahu haddun min an-nazar. Si ce n'est une divergence qui a une part de regard. C'est-à-dire une divergence où ça demande de percer dans le sujet parce que les textes ils sont ressemblants les uns aux autres, etc. Laysa-t-il mas'alatu iddi'a al-khilaf. Il dit là, le point tranchant, ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui dit il y a divergence là-dessus. Al-mas'alatu tahqiq wa rabt bid dalil. Le point, c'est mas'alatu tahqiq, c'est-à-dire de percer le sujet et de rattacher ça aux preuves. Et donc, les ulama disent quelqu'un qui connaît, mathalan, qu'il y a 40 paroles filées, lettre qadr, qu'il y a tant et tant de paroles fi kada ou kada, c'est bi'alim. Al-alim, c'est celui qui arrive à connaître ses paroles et qui arrive à faire tarjih. Il prend les paroles. Et il te montre c'est quoi la parole la plus juste ou les deux paroles les plus justes avec les preuves. Même quelqu'un il sait qu'il y a 5 paroles sur tel point, 8 paroles sur tel point. Ça sert à rien. Il te laisse dans un. Il te laisse dans une mer à Kawi, mais il n'y a rien. Il l'a fait Masa'il. Mathalan d'Ulama, tu vois, dans Fatawa al-Mashaykh, le Kibar, il y a des points où ils ne donnent pas leur avis. Il faut Zan, Uthaymin, Wahirhum. Il dit il y a 2 paroles, 3 paroles, il les cite et il se tait. Parce qu'il y a une convergence énorme et c'est difficile de. Amma dans Ghalib al-Masail, quelqu'un qui connaît qu'il y a beaucoup de paroles mais il ne fait pas de tarjih, ça ne sert à rien du tout. فمن خالف الدليل فهو مخصوم ولا عبرة بخلافه. Celui qui est en contradiction avec la preuve, فهو مخصوم, يعني خصم. يعني c'est quelqu'un qui est contre nous, si on peut dire. لا عبرة بخلافه. Quelqu'un qui vient, qui contredit la preuve, on va le mettre à l'écart. On ne va pas considérer sa divergence. ولا يعتد به. والله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله dit dans le Coran سورة 4 verset 59 si vous disputez à propos de quoi que ce soit revenez à Allah et au messager si vous croyez en Allah au jour dernier cela est bien meilleur خير وأحسن تأويلا et également d'une meilleure interprétation. لا نبقى على الخلاف بل نرجع إلى الدليل. Faut pas rester sur la divergence, il faut revenir au texte qui tranche la divergence. C'est قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول. Allah il a ordonné cela. Il a dit revenez à Allah et au messager. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. ذلك خير وأحسن تأويلا. فلهذا نص المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة الرجم. مع أن الكتاب كتاب عقائد. Il dit, on voit que l'auteur ici, il a parlé d'un point qui est la lapidation. La lapidation. Qui est dans كتاب الحدود. Tu regardes dans كتاب الحدود من كتب الفقه الفقهاء. Tu trouves Kitab al-Hudud et tu trouves ce point-là. Mu'allif rahimahullah, Kitab Aqida, c'est un sujet de Aqida. Il a rentré ce point-là dedans. لِيَنَّهُ يَجِبُ اِعْتِقَادُ وُجُوبِ الرَّجْمِ. Parce qu'il faut avoir la conviction, avant de passer à la sentence, il faut avoir la conviction comme quoi c'est quelque chose de légitime et d'obligatoire. فَمَا أَنْكَرَهُ كَفَرْ. Celui qui rejette cela, كَفَرْ. يَكْفَرْ. فَهُوَ نَصٌ عَلَى هَذَا ردا على المبتدع الذين انكروا الرجم. C'est une réplique sur les innovateurs qui rejettent la lapidation. C'est pour tout ça. C'est C'est pour tout, ouais. Surtout sur les points où là, on va voir maintenant le Mas'h al-Khuffayn, sur les points où il y a des gens qui ont divergé. Et les points où il y a unanimité, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Non. نعرف أنا صالح الشيخ في أربع النواه في حديث 14 لا يحل دم امرئ مسلم وجاب كلام علي رضي الله عنه أنه كما قال الشيخ هنا الجمهور كلهم مجمعون على الرجم والجمهور على تغريب يقول علي رضي الله عنه جلد واحد ورجم ورجم ثابت في السنة كذلك حتى ولو مثلا واحد يقول لك الآية السنة تفسر القرآن يقول علي رضي الله عنه جلدته بكتاب الله الآية في سورة النور ورجمته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث 14 في الأربع النووية صالح الشيخ أما تفسير الآية ما شكل شفته في السلسلة الصحيحة الألباني صح ما عنديش تفصيل يعني على الشيخ والشيخة يعني يحملوه يعني على واحد بلغ 50 سنة ولا 60 سنة الله أعلم C'est soit pour le célibataire. Mais c'est célibataire. Ouais. C'est-à-dire, il est pas. Bikr, quelqu'un qui n'a jamais. Lam yadouk al-Husayla, ils disent les savants. Il n'a jamais eu de rapport intime d'une manière légitime, conforme. C'est-à-dire, mais s'il est marié et qu'il n'a pas consommé, alors il sera pas lapidé. Il est marié. S'il est marié et divorcé, par exemple, s'il est divorcé, il a commis le rapport, là, il sera lapidé. Lapidé. Hada Thayyib, quelqu'un qui est marié. Quelqu'un qui s'est marié, il a eu des rapports conjugaux, il a divorcé, et là il rentre dans la deuxième catégorie. Yorjem. Mais s'il n'a jamais consommé, alors qu'il était quand même marié. Lam yadhuq al-Usayla, il n'a pas goûté l'Usayla, donc il est considéré comme Bikr. Même s'il est marié. Non. Chef, tu as le Cheikh Oshigoul. Yakuna Bikran, lam yasbiq lahu an wati amra'atahu fi nikahin sahih. Deux choses. Wati amra'atahu, il a eu des rapports conjugaux, fi nikahin sahih. Celui qui a une nikah sahih, un mariage réel, mais il a pas eu de rapport, il n'est pas considéré comme... Les deux conditions. Hein? Il faut que les deux ensemble. Et c'est ce que Salah al-Sheikh l'a expliqué dans le Shmoul, hadith 14. Nous allons en charge de Mas'h al-Khuffayn. Ouais. Elle est Mas'h al-Khilafiyya, avec les ulama. Mais Salah al-Sheikh cite ça dans Arba' al-Nawawiyya. Continuez le masque. قال المؤلف رحمه الله والمسح على الخفين سنة. والمسح على الخفين سنة. Le fait d'essuyer sur les bottillons, ça fait partie de la sunna. الشرح والمسح على الخفين سنة. نص على هذه المسألة. المؤلف البربهاري رحمه الله il a cité ça toujours في كتاب عقيدة. Il a cité ce point-là. مع أنها من مسائل الفقه. Alors que c'est un sujet de jurisprudence. لِأَنَّ لَهَا تَعَلُّقًا بِالْعَقِيدَةِ Pourquoi? Parce que ça a une relation avec l'aqidah. فَمَنْ أَنْكَرَ الْمَسْحَ الْخُفَيْنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَارِجًا عَنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مُخَالِفًا لِلْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ Il dit celui qui réprouve le fait d'essuyer sur les bottillons, il sortira de l'aqidah d'Ahli Sunnah wal Jama'a. Il sera en non-conformité avec l'aqidah الصحيحة. لِأَنَّ الْمَسْحَ الْخُفَيْنِ ثَابِتْ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Essuyement sur les bottillons. Il est thabit, عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. Beaucoup de hadith qui ont atteint le degré le plus haut d'authenticité. المسح على الخفين رخصة. C'est une autorisation, c'est une facilité. والعمل بالرخصة سنة. Le fait de faire الرخصة, d'accepter les permissions, les autorisations, les facilités, ça fait partie de la سنة. لقوله صلى الله عليه وسلم à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Hadith rawahu Ahmad fi al-Musnad wa al-Tabarani fi al-Saghir wa Ibn Khuzaima fi sahihihi wa Ibn Hibban fi sahihihi an Abdillah ibn Umar wa sahaha al-Munziri wa sahaha al-Munziri fi al-Targhib wa al-Tarhib isnada Ahmad. Donc il dit hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah aime que tu'ta rukhasuhu, qu'on accepte là où il a facilité, là où il a donné des autorisations, des permissions, comme il déteste que on soit on se laisse aller yani, à propos des choses qu'il a interdites. Les choses qu'il a interdites, il n'aime pas que tu les fasses. Les choses qu'il t'a autorisées, t'a facilité, il aime que tu prennes. فالمسح على الخفين والمسح على ما يقوم مقام الخفين من الجوارب ثابت في السنة النبوية. Donc essuyer sur le khuffain, les bottillons, et essuyer sur ce qui remplace ma yaqoum ou maqam, c'est ce qui remplace ma yaqoum ou maqam al khuffain, ce qui remplace le khuffain, tel que les chaussettes al jawarib, jam'u madan jawarib, c'est le pluriel de quel mot? Hein? La jawrab, jawrab wahid, jawraban ou jawrabain, jawarib jam'u, c'est un pluriel. Thabit fi sunna nabawiyya, tout ça s'est rapporté authentiquement dans la sunna. ولم يخالف فيه إلا الرافضة. Et que الرافضة qui ont خالفوا في هذا, qui ont divergé, qui sont pas d'accord avec les autres. بينما أثبتوا المسح على الرجلين. Alors que eux, ils ont dit tu peux essuyer sur le pied directement. Sur le pied, qui soit nu. فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة وإنما يمسح عليهما. Donc il dit chez eux, الرجلان, les deux pieds, faut pas les... Faut pas les laver. Il n'a même pas les mains. Ils disent faut seulement les essuyer. Le pied nu. Il parle pas de. Ihtijajan bil aya fi qira'a. Ils ont utilisé le verset sourate Al-Ma'ida, verset 6. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Kain qira'a wa arjulakum. Kain qira'a wa arjulikum. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Yani essuyer. Comment c'est traduit ici dans le Coran? Passez les mains sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Parce que dans Riwaya Hafs an Asim, c'est Arju lakum. Arju lakum. Ici, il y a une lecture, une version. Famsa wamsahu bi ru'usikum wa arju likum. Hein? Bil kasr. Ila al ka'bain. Wa laysa al ka'bain indahum huma al ka'bain al ma'rufan fi asfal al saq. Wa innama al ka'bain indahum ma taht ma'qid al shirak. Donc il dit, chez eux, le Ka'ban, donc les deux chevilles, ce ne sont pas les deux chevilles yani, qui sont connues chez les gens. Asfal al-saq, saq on a dit c'est du genou jusqu'à justement la cheville, c'est la limite. Il dit le Ka'ban, indahum, dans le verset, وَمْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Il dit c'est تحت معقد الشراك, c'est-à-dire sous le lacet. وَهُوَ مَجْمَعُ الْقَدَمِ مع العقب ومما يسمى بعرش الرجل. Il dit donc c'est là où le pied se rencontre avec le talon, si on peut dire, d'accord, à l'arrière du pied au niveau du talon, c'est ce qu'on appelle en arabe عرش الرجل. الرجل donc c'est le pied, العرش عرفوا هذا الكعب عند الرافضة, c'est ça la cheville chez الرافضة. وهو غير الكعب عند أهل السنة والجماعة, pas la même explication de le كعب chez أهل السنة والرافضة. ولا حجة لهم بقراءة الكسر في الآية لأن القراءة المشهورة بنصب. Il dit aucun argument à leur égard à ce sujet-là, parce que la lecture qui est connue, Allah a'lam, la plupart des lecteurs sur les 10, ils l'ont rapporté بالنصب. وأرجو لكم, hein? وأرجو لكم عطفا على فغسلوا وجوهكم. Qu'est-ce que ça change quand tu lis كم ou bien لكم? C'est tout simplement que Allah il a cité الغسل et il a cité المسح. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم. Donc les visages faut les laver. وأيدي يكم. Donc faut les laver. إلى المرافق. وامسحوا برؤوسكم. Essuyez vos têtes. Vos têtes, il est مكسور. Parce qu'il est معطوف sur le bas. برؤوسكم. Il n'a pas dit وامسحوا رؤوسكم. Il a dit وامسحوا برؤوسكم. Donc si tu dis وأرجو لكم. وأرجو لكم. S'il est منصوب, ça revient à ce qu'il y avait avant. اغسلوا وجوهكم. وأيدي يكم وأرجو لكم. Ça revient à الغسل, au fait de laver. Par contre, si jamais tu lis avec le كسر, ça veut dire وامسحوا برؤوسكم, et sous-entendu وامسحوا بأرجلكم, c'est-à-dire essuyez vos têtes, hein, la tête on l'essuie, et essuyez les pieds. C'est ça qui change tout. ولا حجة لهم بقراءة الكسر في الآية لأن القراءة المشهورة بنصب. وأرجو لكم عطفا على فاغسلوا وجوهكم. وقراءة الكسر لأجل المجاورة. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه ولم يكن يمسح إلا على الخفين. Il dit pourquoi أرجلكم il est مكسور, فيه عدة تفاصيل chez les علماء. الشيخ ici il cite لأجل المجاورة, ça veut dire que tel mot il est à côté de tel mot, il a pris la même, il a pris la même, le même i'arab. Il a pris le kasr, tout comme l'autre il a pris le kasr. وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ بِدَلِيلِ. Il dit la preuve à ce sujet-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lavait les deux pieds. Et il essuyait sur le khuffayn. Quand il avait des bottillons, il essuyait. Et quand il avait les pieds nus, il les lavait. C'est jamais arrivé le contraire. Voilà, dalil ala anna al-masih. C'est quant à le khuffayn ou bien le jawrabayn. Et le ghasl, c'est quant à rien du tout. Et ils prennent ce verset, ouais. C'est les seuls qui خالفوا في هذا. Le Cheikh Ibn Uthaymeen Riyad Salihin dit c'est étrange. Tu vois, qu'est-ce qu'il dit? C'est étrange qu'ils disent qu'il ne faut pas faire masque alors que le hadith qui est rapporté par Ali ibn Talib justement. Parmi les hadiths, il y a des hadiths qui sont rapportés par Ali sur le masque al-Khufayn. Donc normalement tout ce qui est de Ali, de Ahl Bayt en général, et Ali plus précisément, il le valorise plus. C'est la logique, non? Hein? C'est la logique là, non? Non, pas ça, sur le masque en lui-même. Ah. Il y a l'athar de Ali sur la logique, comme tu as dit. Mais il y a des textes sur... Il y en a d'un, l'imam Ahmed, il dit, il y a beaucoup de compagnons, 70 à peu près compagnons. Il dit, je n'ai pas de doute sur le caractère légitime d'essuyer sur les bottillons. Il y a plus de 70 compagnons qui l'ont rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est 3 compagnons sur les 70. Hein? Moi, c'est 3 compagnons. Non, c'est non. Taqsir salat. Qala al-mu'allif rahimahullah, le fait de raccourcir la prière en voyage également sunnah. Al-Sharh, explication. Min al-rukhas allati ja'a biha al-shar'u tashilan 'ala al-'ibad wa raf'an lil-haraj. Parmi les autorisations, les permissions, les facilités que la législation a apportées pour faciliter aux créatures et pour les écarter ou écarter d'eux la gêne. Raf'an lil haraj, c'est-à-dire qu'il y a un haraj, il y a une gêne sur les gens, toi tu l'élèves, tu l'enlèves. Al qasr fi safar, le fait de raccourcir la prière en voyage. Wa huwa qasr as-salat ar-ruba'iyya, qui est le fait de raccourcir la prière de 4 rak'at. Wa hadha bi nass al-Qur'an. Ça c'est conformément à ce qu'il y a dans le Coran, sourate An-Nisa. Qala ta'ala wa idha darabtum fil ard, yani safartum. Quand on va lire le verset. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Il dit donc, sourate Nisa, sourate 4, verset 101. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salat, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. ظاهر الآية أنه لا يجوز القصر إلا في حالة الخوف. L'apparence du verset, c'est que Allah dit wa idha darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat in shartiyya. Si vous, quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salat si vous craignez que les mécréants. D'accord, à la condition si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. Illa fi halati al-khawf. Wa qad zala hadha al-ishkal. Cette condition là et cette problématique là, elle a disparu. Fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam su'il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. C'est Omar radiallahu anhu qui l'a interrogé. Hadith fi muslim. Qal ma baluna naqsuru wa qad aminna. Il lui a dit, Omar lui a dit, pourquoi on raccourcit encore la prière en voyage alors que aminna, ça veut dire? Voilà, on est en état de sécurité, il n'y a plus de guerre. Qal alayhi salatu wa salam tilka sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum faqbalu min Allahi sadaqatahu. Rawahu muslim fi sahihihi min hadith An Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ceci est une aumône provenant de la part d'Allah, acceptez de lui son aumône. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqsuru fi jami'i asfari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raccourcissait ses prières dans tous ses voyages. Yaqsuru ar-ruba'iyyata ila rak'atayn. La prière de 4 rak'at, il la raccourcissait en 2. Hada huwa as-sunnah. Voilà la sunnah. ومن أتم في الإتمام جائز. Celui qui complète sa prière, الإتمام جائز. هذه في خلاف فيها خلاف بين العلماء. Est-ce que le qasr c'est obligatoire ou c'est recommandé? Le cheikh dit ومن أتم في الإتمام جائز. Celui qui complète sa prière, il fait الظهر 4 ركعات, العصر 4 ركعات, العشاء 4 ركعات en voyage, il dit c'est autorisé. لكنه خلاف الأفضل. Mais il a délaissé, celui qui fait ça a délaissé le préférable. فالقصر رخصة من شاء فعله وهو أفضل ومن شاء تركه وتم فلا حرج عليه في ذلك. Il dit, c'est une autorisation, le fait de raccourcir. Celui qui le fait, celui qui veut qu'il le fasse, c'est préférable. Et celui qui veut qu'il le délaisse et qu'il complète sa prière 4 rak'at, il n'y a pas de problème. Yann al-itmam huwa al-asl. Car la base, c'est le fait de prier les prières complètes. والمصنف ذكر ذلك لأن تقبل الرخص الشرعية من مسائل العقيدة. L'auteur a cité cela car le fait d'accepter les autorisations provenant de la part d'Allah, ça fait partie de la عقيدة, de la conviction. في ذلك رد على المشددين, على المتشددين الذين لا يقبلون الرخص الشرعية. Il y a là-dessus une réplique sur ceux qui sont rudes et durs et qui n'acceptent pas là où il y a une facilité qui est prouvée par les textes religieux. قال المؤلف رحمه الله والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء افطر. Il dit également le jeûne en état de voyage, celui qui veut jeûner jeûne et celui qui veut rompre qu'il rompe. الشرع من الرخص التي رخص الله بها لعباده الافطار في رمضان في السفر فهو رخصة. Parmi les autorisations qu'Allah il a attribué à ses créatures, le fait de rompre pendant le mois de Ramadan en voyage, donc c'est une autorisation. Man sha'a aftar wa man sha'a sam. Celui qui veut rompre, qu'il rompt. Celui qui veut jeûner, qu'il jeûne. Wa idha sam fa siyamuhu sahih. Celui qui jeûne, son jeûne il est valide. Yanna sahabiyan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi anna 'indahu quwwatan wa yaqdiru 'ala as-siyam fi as-safar. Un compagnon a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: j'ai les capacités et la force de jeûner même en état de voyage. Fa an-nabiy alayhi as-salatu wa as-salam adina lahum bis-siyam fi as-safar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de jeûner en voyage. Rawahu Muslim fi sahihihi an Hamzata ibn Amr al-Aslami annahu radiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ajidu bi quwwatan 'ala as-siyam fi as-safar fa hal 'alayya junahun. Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hiya rukhsatun min Allah wa man akhadha biha fa hasan wa man ahabba an yasuma fala junaha 'alayhi. Fa huwa rukhsatun wal rukhsatu la yajibu fi'luha. Il dit donc c'est une autorisation de la part d'Allah, l'autorisation, il n'est pas obligé de la faire. Wa innamal afdal fi'luha ka sa'iri ar-rukhas. Mais il dit, la règle d'avant, c'est préférable de respecter là où Allah il a établi une facilité. Wa in raja'a ila al-asl wa sam fala ba'sa bidhalik. Si la personne elle revient à la base qui est le fait Ramadan, c'est le jeûne il est obligatoire etc. La ba'sa bidhalik. Il n'y a pas de mal à cela. Wallahu jalla wa ala yaqul faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر. الله dit dans le Coran sourate Baqara sourate 2 verset 185: quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر في أسفاره. Le prophète صلى الله عليه وسلم rompait en état de voyage. رواه البخاري في صحيحه مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. Donc il dit, rapporté dans les deux recueils authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti ila Mecca. C'est-à-dire, il partait de là-bas ou il arrivait là-bas. Kharaja ila Mecca. Il va vers Mecca. Fi Ramadan, pendant le mois de Ramadan, il a jeûné jusqu'à ce qu'il ait atteint un endroit qui s'appelle Al-Kadid. Aftar, il a rompu. Wa aftar, fa aftar al-nas. Et les gens, ils l'ont vu rompre, ils ont rompu. C'est préférable de rompre ou de continuer? هذا فيها خلاف بين العلماء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في زاد المستقنع يدي سي ميو دو كونتينيي سي يعني سي سي با رود بور توا اكسيتيرا بور بليزيور ريزون. Parmi les raisons qu'il cite, c'est que حرمه الزمان. Il dit le fait que tu jeûnes pendant Ramadan, le mois de Ramadan, pendant Ramadan, c'est mieux que de jeûner le mois de Ramadan hors mois de Ramadan. Il dit aussi le fait de jeûner avec les gens, c'est plus facile pour toi que le fait de rattraper par la suite. Trois raisons il cite dans Zad المستقنع. Les deux à deux mains. كذلك سي بريفيرابل. كان كان صائما وكان صلى الله عليه وسلم يفطر في اسفاره. الحديث خرج الى مكه في رمضان فصام الى جني حتى بلغ الكديد افطر. اسكاس كي لاتان اندرو افطر فافطر الناس. لي جون ايزون رومبو. هذه فيها تفصيل في كتب الفقه. يعني يا دوت حديث كي مونتر كو سي ميو دو جني. الحديث ويزيت اون فواياج بور الجهاد. Et ceux qui étaient en état de jeûne, ils étaient fatigués. Et c'est le muftirun. C'est ceux qui ont rompu leur jeûne qui étaient au service de leurs frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Zahab al-muftirun al-yawma bil-ajr. Aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas jeûné qui ont récolté la récompense. Parce que ceux qui ont jeûné, ils étaient fatigués, ils n'arrivaient pas à s'occuper d'eux-mêmes, ne parlons pas des autres. Il y a le hadith de la personne qui a perdu connaissance parce que Dhulila alayh. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a trouvé des gens autour de lui. Faqala ma hadha qalu rajul sa'im dhullila alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit laysa min al-birr as-sawm fi as-safar. Hadith fi as-sahihayn. Il a dit c'est pas ça fait pas partie des bonnes choses de jeûner en état de voyage. Mais les hadiths ils sont si on peut dire contradictoires les uns avec les autres au premier regard parce que ça demande chaque hadith ça demande de le voir dans quelle situation etc. Et ba'd kan tarji' al-ulama. Si tu peux jeûner, tu jeûnes, c'est mieux. Tu peux jeûner, tu jeûnes, lakin yajouz l'iftar. Kayen hadith akhar aydan fi as-sahihayn fi 'umdat al-ahkam. Kanu fi safar fala ahada fi yawmin shadid al-har. Fala ahada yasum sa'im illa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Abdullah ibn Rawaha. Surtout le groupe il n'y avait personne qui jeûnait, fi safar, sauf le prophète et un autre compagnon. Fala'ib, Moulakhas Fiqh al-Fawzan, il dit fi l'asfar, kan la ya'ib al-muftir al-sa'im ou al-sa'im al-muftir. Il n'y a aucun qui réprouvait sur l'autre. Celui qui veut jeûner, il jeûne, celui qui veut rompre, il rompre. Et hada bijma' al-ulama. Ijma' al-ulama, il y a juste l'iftar. Mbad, est-ce que c'est préférable de jeûner ou pas? Hadi fi un kalam. Sauf Ibn Hazm qui dit que c'est obligatoire de... Ibn Hazm il dit si tu jeûnes en état de voyage, c'est nul. Al-Zahiriya wa Ibn Hazm minhum à cause du verset. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ. Allah il dit quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et lui sous-entend que tu n'as pas le droit de jeûner ces jours-là de Ramadan. Voilà. Allah. Tout ça, on verra, Inch'Allah, dans le fiqh. Ou là, je vous vois, il y a un Ramadan le proche. Bête qu'on aura la basira, Inch'Allah. قال المؤلف رحمه الله ولا بأس بالصلاة في السراويل. لا بأس بالصلاة في السراويل. Je gagne le pantalon. Tarzama, ma index? Si, il a dit qu'il n'y a pas de mal à prier un pantalon. Inch'Allah, explication. Sarawil, mufrad. Sarawil, c'est un singulier. Wahou ma'rouf. Il est connu. Ma yulbas. ما يلبس على العورة فهو مخيط فهو مخيط على قدر أسفل الجسم له أكمام donc il dit c'est un vêtement qui est ما يلبس على العورة c'est quelque chose qu'on met pour couvrir les parties intimes فهو مخيط على قدر أسفل الجسم il est cousu c'est un vêtement qui est sur la forme du bas du corps, hein, des hanches jusqu'en bas, là où akmam. C'est quoi l'akmam? Les manches, eh ouais. Akmam, c'est les manches. Jam'ukum, hein? Makhit, il y a un. Il faut mettre une kasra normalement. Qal, rahimahullah ta'ala, tasihhu as-salat fi as-sarawil. Hada min nisba lir-rajul. Concernant l'homme, il peut prier dans sarawil. Donc, intabihu al-shaykh, il dit sarawil mufrad. Il dit c'est un singulier. هذا بالنسبة للرجل concernant l'homme. لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. Car la عورة de l'homme, partie intime de l'homme, c'est ce qu'il y a entre السرة, c'est le nombril, et le ركبة, c'est le genou. والسراويل يستر ذلك. Donc le pantalon couvre cette partie. فإن صلى في السراويل ساترا s'il est pris dans cet état-là, en couvrant ce qu'il y a entre le nombril et le genou, les genoux, sa prière sera valide. Concernant la femme, elle est complètement awra dans la prière, si ce n'est son visage. S'il n'y a pas d'hommes qui sont pas des maharim, ça veut dire si elle prie devant son père, etc., devant son frère, son oncle, elle peut prier sans bien. Kada, ilman an al-sheikh, Sheikh Fawzan, il dit que la femme, elle doit couvrir son visage devant les non-mahram. Wa idha salla fi izarin fa huwa afdal min as-sarawil. Il dit s'il prie dans l'izar, Donc l'izar, c'est pareil, le vêtement qu'il mettait en bas, comme un genre de jupe. Fahwa afdal min as-sarawil, c'est mieux que de prier fait dans le pantalon. Aw salla fi qamis, ou bien s'il prie avec un qamis. Fainnahu afdal, c'est préférable encore. Liannahu ajmalu lil hay'a, car c'est la manière dont la personne va prier, et l'apparence et la silhouette qu'il va avoir est encore plus belle et meilleure. Qala ta'ala ya bani adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ay 'inda kulli salat. Sourate Al-A'raf, sourate 7, verset 31. Allah dit dans le Coran, ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez vos parures, portez votre parure, vos habits, vos habits. وَالزِّينَةُ كَمَا يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ سِتْرًا لِلْعَوْرَةِ فَقَطْ. Il dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, le fait de, dans le verset Allah, il dit, خُذُوا زِينَتَكُمْ, le fait de prendre votre parure, il dit, ça montre que c'est un surplus, c'est pas seulement ce qui couvre juste les parties intimes et on s'arrête là, il dit c'est un surplus. Une parure, c'est quelque chose qui embellit, etc. وَفِي هَذَا الْكَلَامِ مِنَ الْإِمَامِ الْبَرْبَهَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ رَدٌ عَلَى بَعْضِ أَصْنَافِ الشِّيعَةِ الَّذِينَ يَرَوْنَ تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ بِالسَّرَاوِيلِ. Donc c'est dans ces paroles de l'imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, la réplique sur certains chiites qui disent que يَرَوْنَ, c'est-à-dire يَعْتَقِدُونَ, ici الرُّؤْيَة, c'est-à-dire qu'ils ont comme conviction que c'est interdit de prier dans Sarawil. لِيَنَّهَا تُصِيبُهَا الرِّيحَ الْخَارِجَ مِنَ الدُّبُرِ, car ils disent que فَيُجِبُونَ خَلْعَ السَّرَوِيلِ عِنْدَ أَدَى الصَّلَاةِ, ils disent que le vêtement il va être touché par si la personne elle a des gaz, hein, le vêtement il va être touché par ces gaz là, donc ils disent il faut enlever le sarawil lorsqu'on fait la prière. Non. Monsieur, pour l'homme de prier tant que c'est entre le nombril et les genoux, il déchire. كتف ما تعرضش ليها كتف في خلاف بين العلماء هنا كي ديس سي شرط صحه هنا كي ديس سي مكروه سي لا بيرسونيل بري سا بري غلي فاليد اي يانا كي ديس كو سي لي بري الشافعي جو كوا كي دي كو سي البري سا بريير لي اموندري مي لي كامام فاليد يعني جوست لو فات كو لي ايبول يسوا با كوفير à cause du hadith لا يصلي انا احدكم, qu'aucun de vous ne prie alors qu'il n'y a rien sur son épaule comme vêtement qui le couvre. Cheikh, il n'a pas expliqué du tout. Il s'est arrêté, yani, à ce qu'il a cité, mais Sarawil. Taban, Sarawil, c'est pas tout ce qui est serré, etc. Sarawil, chez l'Arab à l'époque, c'était des vêtements qui sont larges. Barbahari, 4e siècle, tout fait à 329. C'est des vêtements larges qu'ils avaient, c'est pas des pantalons comme on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des ulama qui voient qu'on peut pas s'arrêter juste avec genre un pantalon, genre. Mohamed me dit que madame t'as couvert entre ce qu'il y a entre le nombril et le genou, nice. Pour ceux qui disent que c'est pas un charte de couvrir les épaules, il dit que la prière elle est valide. Quel okay, est savant qui brille comme ça? Ouais. Le genou c'est un pied attaché. Il y a des gens qui font la main. Il y en a qui disent qu'il faut que ça englobe le genou, il y en a qui disent que ça s'arrête. Le cheikh Ibn Uthaymeen il dit que. Non, il parlait du fer, il parlait de la cuisse. Non, non. Le genou, je ne sais pas. Fakhid de l'aura. Non, il n'y a pas de l'aura. Non, le cheikh, il fait le fakhid de l'chab ou le cheikh. Quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est moins jeune. Est-ce que c'est aura ou pas? Il met l'accent sur les jeunes qui doivent couvrir leur cuisse, qui doivent avoir des vêtements qui descendent moins à la hauteur du genou. Allahu alayhi. وصلوا وقت حبسوا هنا يا ça peut être que ça je crois. جمع رياض اسمح لي سراويل مدام مفرد جمع يعني سراويلات سراويلات جي شيرشي با اه ها؟ نوقفوا هنا يا كلكم بغا جوتي حاجه؟ يوسف تبغي دي حاجه؟ نعم؟ هيئة لابارونس لا سيلويت marcher si tu prends le permis avec l'intention de t'embellir pour la salat et de te couvrir mieux. Ça peut rentrer dans une adoration ou pas? طبعاً madame Cheikh يقول أفضل. À chaque fois que tu fais quelque chose d'afdal, tu es mieux récompensé. Ça peut rentrer dans une ibadah. Ça peut rentrer, ouais. Hada wallahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.